troisième temps de notre série sur l'international et l'internationalisme. Ce matin, un débat sur les universités dans leur dimension internationale depuis le Moyen-Âge. Vous le savez, depuis plusieurs années, notre siècle de l'évaluation nous promet désormais un classement international des universités, un classement de Shanghai par exemple, dont le dernier est apparu donc dans toutes les agences de presse et sur vos téléphones portables ou ordinateurs il y a 3 semaines, à la fin du mois d'août. Cette concurrence universitaire internationale, accompagnée de la volonté d'attirer chez soi les meilleurs éléments, n'est pourtant pas nouvelle. Elle remonte même à la naissance des universités au début du XIIIe siècle. Et a depuis pris des figures très différentes tout au long de l'époque moderne et contemporaine. C'est ce que nous allons voir ce matin avec Séverine Attard qui a préparé cette émission avec nous et qui va la co-animer. Et avec nos 3 invités, Nathalie Gorochoff, elle est professeure d'histoire du Moyen-Âge à Paris-Est Créteil. Elle est auteure de Naissance de l'université, les écoles de Paris d'1903 à Thomas d'Aquin chez Champion. Dominique Juillat sera également avec nous. Il est directeur de recherche honoraire au CNRS. Il est auteur avec Marie-Madeleine Compère d'un répertoire des collèges français. Et puis ensuite avec Jacques Revel et Roger Chartier des universités européennes du 16e au 18e siècle et très récemment dans un autre domaine de compétences qui est le sien, savoir le pèlerinage et le rapport au saint, du voyage au saint sur les pèlerinages dans l'Occident moderne européen, l'Europe moderne, c'était chez Gallimard l'année dernière. Et puis Guillaume Tronchet est également avec nous. Il est chercheur en histoire contemporaine à l'IHMC de l'École normale supérieure. Il est auteur d'une thèse sur savoir et en diplomatie la politique universitaire internationale de la France sous la Troisième République. Et il a coordonné avec Zovinar Kevonian la Babel étudiante, la cité internationale universitaire de Paris 1920-1950, qui vient tout juste de paraître aux presses universitaires de Rennes. C'est une ANR, donc c'est un programme de recherche nationale sur cette question. Question de la cité internationale universitaire. Bonjour Séverine Attard. Bonjour. Bonjour à vous Guillaume Tronchet. Bonjour. Bonjour Nathalie Gorochoff. Bonjour. Et bonjour Dominique Juillat. Merci d'être avec nous. Dominique Juillat, vous êtes un pionnier, pourrait-on dire, avec d'autres, dans les années 80, de cette étude, justement, de l'éducation, de son histoire, en particulier dans l'époque dans laquelle vous vous êtes spécialisé, à savoir l'époque moderne. Vous avez lancé des grands chantiers dans ces années 80-90 autour de ces questions-là, tout en passant sur d'autres thématiques, en particulier sur la thématique de la sainteté et des pèlerinages. Ce chantier, vous l'avez vu beaucoup évoluer depuis justement le début de votre travail, Dominique Juillat ? Oui, parce que, en fait, nous sommes travaillé sur l'histoire des universités. Nous partions des travaux qui avaient été menés en Angleterre ou aux États-Unis par Lorin Stone sur University in Society, qui est un livre qui est paru à la fin des années 60 et qui a été un livre pionnier pour savoir s'il y avait une révolution éducative en Europe. Et nous sommes repartis de là pour essayer de faire une histoire quantitative des populations étudiantes, essayer de savoir comment les étudiants circulaient à l'intérieur de l'Europe, quels étaient les points d'ancrage où ils s'établissaient, si les circuits étaient bouleversés. Et en quelque sorte, il s'est développé dans les années 70-90 toute une série d'études en Europe autour justement d'une histoire sociale des populations étudiantes, alors que la tradition de l'histoire des universités était plutôt une tradition d'histoire des idées intellectuelles. Or là, c'est une histoire des populations elles-mêmes qui s'est mise en place, et le résultat de ces grands travaux menés aussi bien aux Pays-Bas par Willem Fraioff, en Belgique par Hilde de Rieder-Simonnen, a été qu'une synthèse une synthèse de l'histoire des universités européennes a été publiée à la fin des années 90, à la fois en anglais et en allemand. Malheureusement pas en français, mais c'est à ce livre de référence que tous les historiens aujourd'hui se rattachent, puisque je crois qu'elle est parue en 4 volumes. Et cela, justement, cette question que vous évoquiez à l'instant même de la mobilité, de s'intéresser à ces populations étudiantes sur la longue durée, dans la façon qu'elles avaient de choisir l'endroit où elles allaient étudier, de continuer leurs études dans un autre endroit, par exemple, tout cela, c'était nouveau d'une certaine façon. Ça permettait justement de montrer que ces populations n'étaient pas des populations fixes, mais qu'il y avait des concurrences, des attirances, des rejets aussi, parfois. Oui, le grand problème est de partir de sources que l'on puisse croiser, et les travaux qui avaient été menés depuis fort longtemps, d'ailleurs, qui étaient les éditions de matricules universitaires, d'une part, les éditions des listes de gradués étudiants, ont permis de, justement, reconstituer complètement les parcours. Il y a un travail considérable qui a été mené par un érudit peu connu qui s'appelle Wackernagel, qui a publié la matricule de Bâle, et on pouvait, sur chaque étudiant de Bâle, repérer tous les voyages qu'il avait fait à travers l'ensemble de l'Europe. Et ce qui s'est passé depuis ces matricules imprimées, et surtout avec l'évolution du numérique, c'est qu'il est possible maintenant d'établir des bases de données numériques qui permettent de reconstituer les parcours et la cartographie des voyages avec ces évolutions. C'est brillant. Nathalie Gorochov, donc vous travaillez même sur la période qui précède les créations d'universités, hein, 12e, 13e siècle, et notamment sur ces échanges entre Paris et Bologne, entre donc des échanges, une circulation des maîtres et des étudiants, et comme source, entre autres, vous citez la question des correspondances, par exemple, qui sont très utiles pour justement le chercheur, pour comprendre un petit peu ces circulations, ces mobilités d'étudiants et de professeurs, et au nom de quoi, c'est-à-dire aussi les disciplines qui sont, alors l'université de Bologne, par exemple, plutôt spécialisée en droit, l'université de Paris en théologie, et à partir de là, des échanges donc disciplinaires qui vont se perfectionner d'une certaine manière. Oui. Après avoir entendu Dominique Julia, il faut préciser que pour le Moyen-Âge, on a quand même une documentation et des sources beaucoup moins riches. Voilà. Par exemple, nous n'avons quasiment pas de matricules, c'est-à-dire de listes d'étudiants, sauf pour les universités d'Empire au XIVe et XVe siècle. Donc c'est beaucoup plus difficile, et l'histoire des populations étudiantes est beaucoup moins avancée pour le Moyen-Âge aujourd'hui que pour l'époque moderne. Néanmoins, il existe des travaux. Donc, il se trouve que j'ai travaillé sur les 50 premières années de l'Université de Paris. Donc, l'Université de Paris, l'Université de Bologne et l'Université d'Oxford naissent à peu près au même moment. Aux alentours de 1190, 1200. 1210, voilà, à des dates qu'on ne peut pas fixer précisément. Et effectivement, il y a de très nombreuses... Les sources, même fragmentaires, nous disent qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de mobilité entre ces trois centres. En particulier, des Anglais qui se rendent à Bologne pour se voir enseigner le droit ou pour l'enseigner, et qui, au passage, s'arrêtent à Paris dans un sens ou dans l'autre et complètent leur formation en théologie, par exemple. Parce qu'il faut tout de même dire à nos auditeurs que la durée des études universitaires au Moyen-Âge n'a rien à voir avec la durée des études universitaires aujourd'hui. On peut être enseigné pendant de très nombreuses années, voire des décennies, en l'occurrence, Nathalie Gorochov. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on a des... C'est la question principale du statut des étudiants, qui sont souvent, alors, les étudiants en arts libéraux, qui... La faculté d'arts libéraux est une faculté plutôt propédeutique, sont les plus jeunes. Ensuite, généralement, ils rejoignent une des facultés dites supérieures, théologie, droit canonique, droit romain ou médecine. Et effectivement, ces études durent très tard, donc ils commencent à enseigner, par exemple, en arts libéraux, tout en poursuivant une formation, des formations dans les facultés supérieures. Ils ont aussi, étudiant jusqu'à quoi, 30, 35 ans, 40 ans? Pour être licencié en théologie, il fallait étudier 15 ans à la faculté de théologie après la maîtrise ESSAR, qu'on obtenait généralement autour de 20 ans. Donc, on a beaucoup de cas d'étudiants qui, jusqu'à 40 ans, sont étudiants. Et quelles sont les origines sociales aussi de ces étudiants, Nathalie Gorochov, donc au tout début, hein, de la naissance de cette université? C'est une grande question. C'est une question extrêmement importante à laquelle on peut répondre, là encore, avec beaucoup de prudence, étant donné les sources dont on dispose. Il m'a semblé que pour Paris, on a quand même beaucoup d'étudiants de milieux sociaux assez favorisés, de la petite noblesse. Par exemple, si on essaie de repérer le niveau social, l'origine sociale des maîtres, un tiers au moins d'entre eux apparaissent comme des nobles, des petits nobles. Mais on avait aussi à Paris, au XIIIe siècle, des gens issus de très grandes familles nobles italiennes qui venaient étudier. Ce qui est très intéressant dans votre travail, Nathalie Gorochev, c'est qu'on y découvre effectivement comment se structure un milieu qui ne l'est pas auparavant. Auparavant, donc au XIIe, on a des maîtres auprès desquels les étudiants vont se rendre et avoir une relation, disons, directe avec le maître. Et progressivement, va s'instaurer justement un début d'institution, pourrait-on dire, qui va être l'université. Et ce début d'institution va aussi avoir en parallèle le développement de solidarité contre les autres institutions qui sont présentes dans le royaume ou pour l'Italie dans la commune, par exemple, et que tout cela se forge dans ces années entre 1200, mettons, et 1250, aussi bien en France, à Paris, en Italie, du côté de Bologne, mais aussi en Angleterre, du côté d'Oxford. Les premières universités, elles sont nées après un siècle d'essor d'écoles. Une école étant le groupe formé par un professeur et ses étudiants. Donc il faut imaginer au XIIe siècle que les villes accueillent de très nombreuses écoles, mais qui ne sont pas liées entre elles, qui n'ont pas d'aspect institutionnel. Et un peu avant 1200, ces écoles vont s'organiser. Alors à Paris, ce sont les maîtres qui s'associent. Et en fait, c'est une organisation de métiers. Hein, ce sont les maîtres qui s'associent, comme les autres corps de métiers de la ville. Inspirés des corporations. Inspirés des corporations qui se forment au même moment, d'ailleurs. À Bologne, le modèle est un peu différent. On parle du modèle de Bologne et du modèle de Paris. Tout au long du Moyen-Âge, toutes les universités, la soixantaine d'universités qui apparaissent jusqu'en 1500, hein, à l'époque médiévale, ces universités vont soit choisir imiter le modèle parisien, soit le modèle bolognais, où les étudiants avancés en droit sont les membres actifs de l'université. Et ça, alors, est-ce que ça va générer une grande différence, justement, sur la question de la circulation? Le fait que ce soit, en Italie, plutôt les étudiants qui vont fonder ces groupes, ou les diriger, je ne sais pas comment on peut l'exprimer, et puis, à Paris, ce sont les maîtres, les enseignants. Ça a des conséquences institutionnelles. On a même, au début du XIIIe siècle, des maîtres de Bologne, des juristes, qui, dans leurs commentaires, disent « mais on ne comprend pas, comment se fait-il qu'à Paris ?» Ils le savent, hein, parce qu'il y avait une grande circulation entre les deux centres. Ils ne comprennent pas pourquoi les maîtres ont ce pouvoir à Paris, alors qu'eux en ont été dépossédés. Hein. Et donc, ça, c'est vraiment des notations sur le vif extrêmement intéressantes. Mais ça n'a pas vraiment de conséquences, je crois, sur la circulation. C'est-à-dire que les deux centres, ces centres attiraient des gens de toute l'Europe, Bologne pour le droit romain, le droit canonique, Paris plutôt pour la philosophie et la théologie. Et cette organisation institutionnelle n'a pas de grandes conséquences sur ces mobilités. Et juste, est-ce qu'on peut penser qu'il y a déjà une concurrence, alors intellectuelle, puisqu'on a dit c'est un maître, une université c'est un maître qui enseigne à des étudiants. Donc déjà, est-ce que la renommée d'un maître fait qu'il va attirer évidemment des étudiants de l'étranger? Bien évidemment, c'est la renommée des maîtres. Par exemple, à la fin du XIIe siècle, on sait que d'Angleterre, de France, d'Allemagne, les gens qui voulaient faire du droit accouraient à Bologne parce qu'il y avait deux grands spécialistes de droit canonique qui ont produit des sommes, hein, les premiers grands décrétalistes, spécialistes des décrétales. Et on venait, Uguccio de Pise ou Bernard de Pavie, on venait les écouter à Bologne. Ensuite, les étudiants repartaient avec leurs manuscrits et les diffusaient dans toute l'Europe. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il y a de la débauche, pourrait-on dire, de ces maîtres. Est-ce qu'on essaye d'attirer chez soi justement les meilleurs maîtres pour pouvoir soit créer une nouvelle institution, soit, disons, donner du prestige à sa propre université qui est en train de naître, en l'occurrence, Nathalie Groschow? Ce phénomène existe un peu plus tard. Sans doute pas au XIIIe siècle, car il y a trop peu d'universités. Et les grands théologiens enseignent à Paris, les grands juristes souvent à Bologne. Après, se développe un enseignement du droit à Bologne et à Oxford. Il n'y a pas ce phénomène, en tout cas on ne le perçoit pas dans les sources. En revanche, en Italie, au XIVe siècle et au XVe siècle, on voit des grands maîtres en droit qui sont en quelque sorte achetés par telle ou telle université. Donc ils quittent leur université d'origine et vont enseigner ailleurs. On leur promet un salaire, puisque là, ce sont les communes qui salarient, hein, qui payent des salaires aux maîtres, et on les attire avec des salaires conséquents. Et une autre des particularités de votre travail, Nathalie Groschoff, sur les universités au Moyen-Âge et leur naissance, c'est de travailler sur les scissions. C'est-à-dire qu'il y a trois universités au départ, vous l'avez expliqué, Oxford, Paris et Bologne, qui d'ailleurs ont des conditions de naissance différentes qu'il faut analyser. Mais il y a des universités qui vont naître du mécontentement de certains maîtres, qui vont quitter ces universités pour aller en fonder d'autres ailleurs, d'une certaine façon. Et c'est comme ça que va petit à petit, par essaimage, se peupler la carte universitaire au XIIIe, mais surtout au XIVe ou XVe siècle, Nathalie Groschoff. On parlera donc d'universités qui naissent par sécession. Hein. C'est le terme qu'avait employé le grand historien des universités, l'anglais Hastings Rajdal, à la fin du 19e. Il parle de trois types d'universités. Les universités qui naissent spontanément, comme Paris ou Bologne. Les universités qui naissent par sécession. Et enfin, les universités créées par des pouvoirs royaux princiers. Alors, ces universités qui naissent par sécession, c'est par exemple Cambridge. Comme il n'y avait pas de bâtiment propre à l'université à cette époque, il était au fond assez commode pour les professeurs et les étudiants de quitter la ville s'ils étaient mécontents des conditions qu'on leur offrait dans une ville. Et ils partaient donc dans une autre qui allait c'est leur offrir des meilleures conditions. C'est comme ça que Padoue va voir naître son université en 1922. Voilà, Padoue naît d'une sécession de Bologne et elle se développe rapidement. Cambridge naît d'une sécession d'Oxford. Même si les deux universités aujourd'hui très prestigieuses se dispute un petit peu la primeur de la première université, mais Cambridge est bien la deuxième. Et donc, cela, c'est un phénomène qui va se développer tout au long du XIIIe et qui va se cristalliser ensuite au XIVe et XVe siècle. Ou est-ce que les conditions vont être différentes à partir du moment où cette institution, qu'est l'université, va devenir véritablement importante dans le paysage des cités, voire dans le paysage des royaumes? Vous voulez parler des sécessions? Oui. On en voit encore quelques-unes au début du XIVe siècle. Par exemple, Sienne, qui est aussi une université qui a été fondée à partir d'une sécession de Bologne. On en a encore quelques-unes, mais ce phénomène disparaît peu à peu. Merci donc d'avoir fait ce petit panorama momentané. Vous reviendrez ensuite pour parler en comparaison avec l'époque moderne et contemporaine, Nathalie Groschoff, de votre période de prédilection, à savoir le Moyen-Âge. Une petite pause dans cette fabrique de l'histoire consacrée donc justement à la concurrence internationale des universités entre elles depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. France Culture, la fabrique de l'histoire. Emmanuel Laurentin. Un chant joyeux court par les rues de la cité. Il vient tout droit des portes de la faculté. Fini les livres, les pages tristes. Venez amis, nous allons tous boire et chanter. Il est venu le temps de prendre les guitares. Après la peine sonne l'heure de la gaieté. Laissez passer le flot joyeux des étudiants. À votre tour, vous aurez tous un peu 20 ans. Un peu d'air pur vous arrive avec eux. Avec leur rire, leur jeunesse et leur jeu. Laissez passer le flot joyeux des étudiants. Avec leur chant et tous leurs merveilleux serments. Pour chaque fille qui leur donne son cœur. Flotte à leur cap un ruban de couleur. Il n'a pas chanté que Mexico, mais il a chanté aussi les étudiants. Luis Mariano, Laissez passer les étudiants, un titre de 1964, avant ce qu'on appelle la massification universitaire des années 70. Les étudiants, c'était encore à l'époque, en 1964, tout un folklore, pourrait-on dire, qui était condensé dans quelques lieux, plutôt très peu nombreux dans les cités et dans les villes où il y avait des universités. Dominique Julien, vous êtes spécialiste de l'époque moderne et vous avez travaillé justement dans la foulée de la période dont on vient de parler avec Nathalie Groschoff sur les changements qui étaient intervenus à la fin du Moyen-Âge et surtout au début de l'époque moderne. Il y a quand même quelque chose qui va mettre un terme momentané à cette migration des étudiants, c'est l'irruption d'une nouvelle religion ou d'une scission dans la religion avec la naissance de la réforme, on ne va plus pouvoir ou on ne va plus vouloir aller n'importe où. On parlait hier avec nos invités d'Erasme. Quand il se rend à Bâle, à un moment, c'est un peu difficile pour lui. Il est obligé de changer d'endroit parce que, évidemment, il est à la fois poursuivi par certains catholiques et certains protestants pour ses idées. Il y a des villes dans lesquelles on ne se rendra plus à partir d'un certain moment et des réseaux qui vont se scinder. Oui, parce que les universités exigent des serments religieux et des professions de foi. Et de ce fait, effectivement, on ne va plus aller, je dirais, de Wittenberg à Ingolstadt, parce que Ingolstadt, c'est une faculté jésuite. Et par exemple, on voit très bien que à Pise, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, les étrangers disparaissent parce que en 1564, on impose une profession de foi, et en 1575, on impose un serment de fidélité au grand-duc de Toscane. Et donc, tous les Allemands disparaissent, et en revanche, les Espagnols viennent à Pise parce que le grand-duc de Toscane est inféodé au roi d'Espagne. Du coup, en quelque sorte, il y a des raisons à la fois religieuses et politique qui modifie les itinéraires des étudiants. Et est-ce qu'il va y avoir du coup aussi développement des universités protestantes, qu'elles soient luthériennes et calvinistes, et là qui vont drainer de nouveaux flux d'étudiants, par exemple en France, qui vont aller étudier à Leyde, à Bâle ou à Genève, une nouvelle pérégrination, enfin par la religion. Oui, il est très certain que les étudiants réformés français vont aller étudier dans des universités étrangères nouvellement fondées à un moment donné, surtout par exemple pendant les guerres de religion. Ils vont aller à Wittenberg, à Heidelberg, et puis les deux grandes universités qui vont recueillir les Huguenots, c'est d'une part Genève, mais qui a une fonction presque professionnelle, c'est-à-dire une fonction de formation des pasteurs réformés français. Mmh. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, cette fonction s'élimine tout simplement parce que est créé à Lausanne un séminaire de formation des pasteurs protestants. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser que des institutions périphériques à l'université remplissent un rôle que les universités ne remplissent plus après. Mmh. Et pour Leyde, il est évident que la faculté de Leyde est une faculté humaniste, où il y a eu beaucoup de professeurs français, comme Saumès, comme André Rivet. Donc, elle attire beaucoup au XVIIe siècle, en tous les cas, beaucoup de jeunes philologues humanistes qui apprennent les langues anciennes. Et puis, il y a la réputation, au XVIIIe siècle, de l'enseignement médical de Beuraf, qui attire également très largement. Alors, on parlait hier d'Erasme, mais on voit bien comment Erasme passe 4 ou 5 années à Paris, par exemple, mais où les thèses qu'il commence à élaborer, qui sont des thèses essentiellement contre la théologie telle qu'elle est pratiquée à l'Université de Paris, vont l'obliger de partir à Turin pour pouvoir soutenir sa thèse, justement, parce que il y a des lieux qui lui sont plus favorables que d'autres. Donc il y a une sorte de cartographie mentale pour ces étudiants de l'époque de la Renaissance et de la période de l'humanisme, qui est lié justement à ces conflits, pourrait-on dire, intellectuels entre institutions universitaires européennes, Dominique Julien. Oui, il est très certain aussi qu'il y a un rétrécissement du recrutement du fait que, d'une part, des enseignements théologiques peuvent se donner en dehors de l'université, à la fois dans les collèges, parce que les collèges jésuites remplissent les fonctions des anciennes universités dans des villes qui ne sont pas universitaires. Mmh. Et puis, il faut pas oublier que les mendiants ont des enseignements théologiques à l'intérieur de leur propre couvent. Donc, en gros, il y a toute une série d'étudiants qui allaient dans les universités, qui n'y vont plus, en particulier à la théologie, et sans doute l'une des facultés qui est le plus touchée par les orthodoxies doctrinales qui font que on ne peut plus circuler aussi librement qu'auparavant. Voilà. Et ça, c'est dû aussi, Dominique Julia, à l'émergence de l'État moderne. Alors, il y a cette coupure confessionnelle, mais du coup, l'État veut contrôler désormais la circulation des étudiants, à la fois les départs et les entrées, pour finalement que les résines ne se propagent pas éventuellement, par exemple. Mais il faut surtout voir que les États modernes sont aussi des États, et les églises aussi, sont des États qui construisent des bureaucraties. Et elles ont besoin de bureaucraties compétentes, et l'un des moyens de vérifier la compétence des futurs conseillers dans les conseils de province ou les conseils municipaux, c'est la licence en droit. Donc, on veut contrôler cette compétence, et ce qui se passe surtout à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, mais il y a des interdits déjà très tôt au XVIe, c'est le fait que les diplômes accordés à l'extérieur du royaume ne seront plus reconnus ni validés par l'autorité royale en France. C'est-à-dire que des étrangers, une sorte de protectionnisme à partir de Louis XIV, des étrangers venus en France étudier soit la médecine, soit le droit, peuvent recevoir des grades, mais il est bien entendu que ces grades ne seront pas validés pour exercer une fonction en France. Dans leur... Oui, donc, alors c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi venir à l'étranger étudier. Ben, on a une sorte de nationalisation des grades. Ce qui est vrai aussi, c'est que se poursuivent les vieilles traditions universitaires de migration, puisque, par exemple, Montpellier garde pour la médecine une réputation internationale. Et, par exemple, un médecin comme Guillaume-François Lainec, qui a fait toutes ses études à Paris, prend un doctorat de Montpellier et dit « Pourquoi est-ce que je prends un doctorat de Montpellier ?» Parce que c'est un doctorat qui est reconnu par l'opinion publique. Le public estime qu'un docteur de Montpellier est meilleur que tout autre docteur. Alors, à ce moment-là, Montpellier n'a plus de rayonnement international comme elle l'a eu au XVIe siècle. Au XVIe siècle, si vous voulez, vous aviez énormément d'Espagnols qui venaient dans la première décennie du XVIe siècle à Montpellier. À la fin du XVIe siècle, il n'y a plus un seul Espagnol. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que Montpellier a une réputation d'hétérodoxie importante. Les catholiques intransigeants ne veulent pas envoyer leurs enfants à Montpellier, et surtout le roi Philippe II a interdit à ses sujets espagnols d'aller en dehors des États espagnols, et il cite quelques universités étrangères, dont Bologne pour le roi, mais Coimbra, Naples, Rome, mais surtout aucune université allemande. Oui, alors ce qui est très intéressant aussi, c'est cette volonté farouche au départ, comme nous le disait Nathalie Gorochev, de créer des institutions qui soient séparées des institutions universitaires, qui soient séparées des autres institutions qui les entourent, en particulier la commune pour l'Italie à Bologne, ou disons le prévôt de Paris pour la ville de Paris. Qu'en est-il justement de cette question des libertés universitaires qui est très importante et qui est sur lesquelles beaucoup d'universitaires à différentes périodes sont très chatouilleux dans cette période que vous nous montrez, Dominique Julia, comme une période de radicalisation, de tension très forte justement sur la capacité des universitaires à garder leur libre droit et leur libre pensée. Si vous voulez, d'abord, il y a la censure royale s'exerce sur les écrits des théologiens, et donc il y a à la fois la censure royale et la censure de l'index. Donc les écrits théologiques sont extrêmement surveillés tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle. Et il ne faut pas oublier que les écrits des philosophes seront brûlés dans les années 1760 par le Parlement de Paris. Et donc il y a une surveillance intellectuelle qui s'opère sur les écrits produits par à la fois par les théologiens eux-mêmes, et les disputes théologiques d'ailleurs autour du jansénisme ont été d'une violence extrême, avec des expulsions, des condamnations, des exils aussi, parce qu'il y a eu toute une série d'exils de jansénistes qui se sont réfugiés justement dans un pays plus tolérant que la France, qui était les Provinces-Unies. Oui, mais tout de même, il y a aussi naissance, on le sait, au XVIIIe siècle, d'une certaine opinion publique, possibilité de s'exprimer en dehors de ces institutions. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, est-ce que les institutions universitaires sont le seul endroit où l'on débat, ou est-ce que, par tout un tas d'autres moyens, que ce soit les salons ou d'autres lieux qui peuvent être donc des lieux privés, eh bien, ne se développe pas une pensée qui, auparavant, était une pensée qui prenait sa place ou qui s'enrichissait dans ces institutions universitaires, Dominique Julien? Mais il faut bien voir aussi que toute une série de disciplines ne sont pas enseignées par l'université. Donc, se développe au XVIIIe siècle toute une série, par exemple, d'écoles techniques. École des ponts, école des mines, école militaire. Donc, toute une série de mathématiques, de savoirs, n'appartiennent plus à l'université et ne sont pas enseignées à l'intérieur des universités. Bon, je mets le problème de la faculté des arts qui est un problème. La faculté des arts perd de son importance dans la mesure où la philosophie est enseignée à l'extérieur de l'université, dans les collèges. Bon, donc toutes ces institutions périphériques diminuent le pouvoir de l'université. Et puis il y a le développement, par exemple, de sociétés de pensée comme les académies. Les académies provinciales se sont développées très largement au XVIIIe siècle et ont été un des lieux de formation d'une pensée commune culturelle qui unit les intellectuels avec des correspondances extrêmement nombreuses. Et qui donc se met en concurrence avec les universités, les institutions elles-mêmes. Mais en tous les cas, les questions essentielles de développement du pays, sur le développement économique, sur la tolérance, sur des questions comme celles-là, sont débattues. Les académies donnant régulièrement des prix où concourent les penseurs de l'époque. Tout le monde sait que Jean-Jacques Rousseau, sa carrière a commencé par des prix académiques à Dijon. Ou l'abbé Grégoire, effectivement, à Metz. Voilà. Celle que j'aime se destine à un très noble et beau métier. Chaque jour à la faculté, elle prépare médecine. Mais la nuit, quand je la caresse, elle me chuchote à mi-voix. Sais-tu ce que j'ai sous les doigts quand ton corps sur le mien se presse? Du carbone et du potassium, du phosphore et puis du sodium, du zinc, du fer, de l'hydrogène, de l'iode, du cuivre et du brome, du manganèse et du calcium, de l'azote et de l'oxygène. Le corps est à moitié plein d'eau, il contient des sels minéraux et des matières organiques. Il y a la chair et les os, et puis les muscles sous la peau, que tout cela est érotique. Je suis envié par mes amis qui pensent qu'un docteur au lit doit trouver des choses géniales. Le génial est que dans le noir, je crois être un cours du soir, je vis des amours médicales. Entre nous, je vous avoue que je fais des complexes en amour, car je sens bien que jusqu'au jour, en parlant, elle me dit sec. Aussi bien pour la faire taire, je clôt sa bouche d'un baiser. Mais dès qu'elle peut respirer, elle poursuit son inventaire. Du nickel et du vanadium. Un titre de Charles Aznavour, Les Amours médicales, un titre de 1977. Alors, le troisième intervenant de notre discussion, c'est vous, Guillaume Tronchet. Vous êtes spécialiste de ces questions universitaires et en particulier de ces concurrences universitaires au niveau international pour la période contemporaine, 19e, 20e siècle. Vous êtes auteur avec Zovin Arkevonian et d'autres de La Babel étudiante sur la Cité internationale universitaire de Paris, qui naît après la Première Guerre mondiale, mais vous remontez plus loin, au cœur du 19e siècle, dans une concurrence acharnée entre modèle universitaire allemand par exemple, et modèle universitaire français, surtout à partir du moment où la Sorbonne devient républicaine, dites-vous, Guillaume Tronchet. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours à l'esprit aujourd'hui quand on entend parler de concurrence internationale des universités, mais elle existait de facto déjà à la fin du 19e siècle, à un moment qui s'explique par le fait que les sociétés européennes connaissent un grand moment de nationalisation. Et cette nationalisation va de pair avec l'inter-national, c'est-à-dire à la fois des collaborations, mais aussi des concurrences. Et la Sorbonne républicaine qui cherche à s'imposer sur la scène internationale, non seulement parce que la Troisième République est la seule république au sein de l'espace européen, et cherche à exister face à la science, et notamment la science allemande, et qui inspire beaucoup d'universités à l'étranger, notamment les universités américaines, par exemple, qui vont beaucoup s'inspirer de ce modèle allemand. Et les Français vont chercher à attirer chez eux ce qu'on appelle d'ailleurs à l'époque une clientèle étrangère, c'est-à-dire tous ces étudiants étrangers qui sont en recherche de qualifications pour essayer de détourner ces flux qui vont notamment vers l'Allemagne pour les attirer vers la France. Et en même temps, voilà, ils vont se rendre compte que le système français, donc, qu'on peut appeler napoléonien, mm-hmm. face au système allemand humboldtien, où donc le système allemand où est plutôt favorisé la recherche, mm-hmm. La liberté intellectuelle, le fait que des universités, donc c'est pas un État centralisé, donc il y a aussi une certaine décentralisation. Puis le système français napoléonien plus contrôlé, parce qu'il y a quand même l'idée que la contre-révolution doit finalement imposer l'ordre et que l'université est un outil, également Guillaume Tronchet. Oui, tout à fait. L'université française se pense comme s'inspire à la fois de ce modèle allemand, veut en tirer des enseignements. C'est l'importation du séminaire, par exemple. Exactement, l'importation du séminaire. Et qui se fera un petit peu plus tard, Guillaume Tronchet ou... Ça commence dès la fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle. Hein, ça commence déjà. C'est ce qu'a très bien montré Claude Dijon dans ses travaux sur la crise allemande de la pensée française, où on voit bien comment les Français envoient des boursiers, notamment le ministère de l'Instruction publique finance des boursiers français pour aller observer ce qui se passe en Allemagne et essayer de tirer des enseignements pour reconstruire cette université française à la fin du 19e siècle. Mais il est vrai que c'est surtout l'enseignement, en fait, qui va essentiellement se développer en France, et la recherche va être quelque chose qui va être beaucoup moins développé fin 19e, début 20e, ce qui explique d'ailleurs le développement de toute une série d'institutions de recherche hors université, dans des instituts de recherche qui vont un peu à peu, après toute une série de réformes, être tentés d'être réintégrés dans les universités, mais sans forcément toujours y arriver, ce qui explique qu'on crée le CNRS dans les années 30 aussi, hein, parce qu'on se retrouve dans cette situation où la recherche est moins intégrée au système universitaire qu'elle ne l'est dans notre pays. Et l'une des premières initiatives, Guillaume Tronchet, c'est par exemple Victor Duruy, quand il crée en 1868 l'école pratique des hautes études. Effectivement, Victor Duruy, qui sera un modèle pour les républicains, qui revendiqueront d'ailleurs cet héritage et qui lui font d'ailleurs une place assez intéressante. Au moment de l'inauguration de la nouvelle Sorbonne, il se revendique de l'héritage de Duruy et de cette importation de ce modèle de la recherche, ou en tout cas du développement de l'enseignement supérieur. Vous avez travaillé pour votre thèse donc sur cette notion que vous synthétisez sous le terme de diplomatie universitaire. Qu'est-ce que vous entendez par là, et justement en quoi les savoirs universitaires qui sont développés dans ces universités françaises, allemandes et européennes dans la deuxième moitié du 19e siècle peuvent-ils être une monnaie d'échange, un endroit où on a investi justement des questions diplomatiques et plus simplement des questions de savoir et de connaissance? Ce qui est vrai, c'est que cette transition 19e-20e siècle est un moment où de nouveaux acteurs véritablement interviennent dans le champ universitaire, politisent les questions internationales, et ce que j'ai appelé diplomatie universitaire, c'est la rencontre entre toute une série de dynamiques, une dynamique donc de concurrence internationale, une dynamique nationale aussi, voire locale, de développement de certaines disciplines. On cherche à attirer des étudiants étrangers parce que ça va remplir aussi les effectifs de certains professeurs qui cherchent à développer leur discipline. Et il y a aussi des questions locales qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'à la fois les étudiants étrangers qui arrivent dans une région, ce sont des cibles intéressantes pour le développement du tourisme, pour l'économie locale ou le développement de certaines universités provinciales qui se situent pas seulement dans une concurrence internationale, mais aussi dans une concurrence à Paris. Et puis enfin, c'est effectivement aussi le Quai d'Orsay qui commence aussi à s'intéresser peu à peu à ces différentes cibles d'étudiants étrangers, en pensant qu'en formant toute une série d'élites étrangères dans le cadre français, on s'assure pour demain des alliances politiques, commerciales qu'il pourrait être possible de conclure. Et c'est tout ça qui concourt à cette naissance de cette diplomatie universitaire fin 19e, début 20e siècle. Juste pour nous donner une idée des chiffres, Guillaume Tronchet, parce que de la fin du 19e à la guerre de 14-18, chiffre multiplie presque pas. 5, 6, à peu près. Fin 19e siècle, on se situe à peu près autour de 1 000-2 000 étudiants étrangers en France. Avant la Première Guerre mondiale, on est autour de 6 000. Les chiffres explosent vraiment dans l'entre-deux-guerres, autour de 15 000 étudiants étrangers, qui fait de la France le premier pays en termes d'attractivité pour les étudiants étrangers dans le monde, ce qu'on a un peu oublié, mais qui était le cas dans l'entre-deux-guerres. On a des effectifs quand même qui sont assez réduits par rapport aux effectifs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même 300 000 étudiants étrangers en France, un peu plus. Donc les effectifs n'ont absolument rien à voir. Mais en pourcentage, ça peut être parfois très important. On a certaines universités qui ont plus de 50% ou 60% d'étudiants étrangers dans certaines disciplines. C'est le cas à Grenoble, par exemple, ou en lettres, on peut avoir énormément d'étudiants étrangers. Donc le faible chiffre ne peut parfois correspondre à un fort pourcentage qui fait que leur présence est très visible. Et vous dites aussi que ce sont l'afflux des femmes aussi qui viennent étudier qui augmente le taux d'étudiantes. En France. Tout à fait. Les premières femmes diplômées, notamment du titre de docteur, en mathématiques, sont étrangères. En mathématiques, en physique, on pense bien sûr à Marie Curie, ou dans d'autres disciplines, en droit et en médecine surtout, sont des étudiantes étrangères et contribuent par là même à la féminisation des effectifs de l'université française. On compte très peu, je crois que c'est de mémoire entre 2% et 10% avant la fin 19e, début de la Première Guerre mondiale, d'effectifs féminins. Donc les premières femmes diplômées sont des étudiantes étrangères, effectivement. Et pendant que on défend la plus grande France, celle qui se colore en rose sur les maps mondes de l'époque et dans les classes, donc la France coloniale, donc d'une certaine façon, on va aussi mettre en avant la plus grande France enseignante dans les années 20. Ça fait partie des mots d'ordre, par exemple, de l'Office national des universités et écoles françaises, qui vont se répandre un peu partout. Et on sait combien, après 1905, les travaux ont été menés sur ce domaine-là. On va mobiliser à la fois, d'ailleurs, les congrégations qui sont interdites d'enseigner sur le territoire national, mais qu'on autorise comme étant des sortes de missi dominici de la pensée française au Levant, par exemple, et dans d'autres endroits. On va aussi avoir l'Alliance israélite qui va ouvrir des écoles juives, et on va avoir la Mission laïque qui vont ouvrir des écoles juives. Et donc il y a cette idée aussi que ce savoir français doit se propager dans une sphère beaucoup plus large que son propre territoire et ses propres colonies. Effectivement, la diplomatie universitaire a deux facettes. Elle a l'accueil, mais il y a aussi l'export, ce qu'on appelle l'expansion universitaire à l'étranger, ce que certains politiques de la Troisième République appellent la politique étrangère des universités, qui vise à créer des antennes universitaires à l'étranger. Un Sorbonne à Abu Dhabi n'a rien inventé. On a déjà des antennes à la faculté de Beyrouth, par exemple, ou l'université de Paris, ou l'université de Lyon cherche à former des médecins au Levant, comme vous le disiez. Donc il y a effectivement cette volonté d'exportation qui est tout à fait en adéquation avec l'esprit impérialiste et universaliste. Enfin, c'est cet impérialisme de l'universel dont on parlait Bourdieu, qui est très propre aux élites de la Troisième République et qui se décline aussi bien dans le versant colonial que dans le versant aussi international, pour le coup. Et puis parmi ces nombreux étudiants étrangers, il y a beaucoup d'exilés. Parce que vous dites, au début du XXe siècle, la plupart donc sont russes, dont la majorité sont d'origine juive parce que, poursuivis en Russie. L'Empire ottoman également, et on comprend pourquoi. Et puis vous dites l'Europe orientale, donc les Roumains, les Bulgares. Les visages de l'étudiant étranger correspondent beaucoup à la fois aux situations politiques nationales, où certaines minorités peuvent être exclues des systèmes d'enseignement supérieur et donc vont choisir l'exil pour pouvoir accéder à une formation d'enseignement supérieur, et d'autres aussi dans d'autres États. C'est le cas si on pense par exemple au cas de la Roumanie ou de la Bulgarie, où on a des systèmes d'enseignement supérieur qui sont aussi encore un peu embryonnaires dans certaines disciplines, et où là c'est vraiment la recherche d'une formation qualifiante qui va pousser ces étudiants à aller rejoindre l'Allemagne, la Suisse ou la France, avec donc ce visage qui évolue avec plus d'étudiants russes, polonais, roumains, fin 19e et entre deux guerres. Et puis il y a un visage qui change de l'étudiant étranger peu à peu à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et on y reviendra dans d'autres émissions de la Fabrique de l'Histoire d'ici quelques temps. Mais vous avez travaillé et mené un travail de recherche collectif sur la Cité internationale universitaire, qui est d'une certaine façon un lieu dans Paris, boulevard Jourdan, qui met en scène, pourrait-on dire, cette question de l'influence universitaire et de cette aura qu'on peut avoir en dehors de France pour l'université française. C'est vrai que la Cité internationale universitaire de Paris est un objet absolument merveilleux à étudier parce que s'y croise toute une série de dynamiques extrêmement différentes. C'est un espace international où on a des questionnements qui peuvent se poser sur comme lieu d'études, comme lieu culturel, comme échange culturel, lieu de métissage, etc. Mais ceci est un espace investi par le politique, par des chancelleries, par des diplomaties. C'est aussi un espace qui est aussi un lieu de fermentation, à la fois sociale mais aussi politique. La Cité a été aussi un lieu d'agitation politique, donc c'est quelque chose qui permet d'observer toute une série de choses qui concernent la vie sociale et culturelle des étudiants étrangers, de diversifier les sources. Dominique Julia parlait en début d'émission de la question des sources pour traiter l'histoire des étudiants étrangers. Il est vrai que la Cité internationale permet d'avoir accès à une autre dimension que la seule dimension statistique, finalement, qui permet de répertorier les nationalités, les matricules ou les diplômes, et d'avoir accès à la vie véritable de ces étudiants étrangers en situation justement d'exil ou d'études à l'étranger. Et donc, si on fait un petit tour de table très bref pour conclure cette discussion que nous avons entamée, et nous avons joué comme cela les périodes, non pas les unes contre les autres, mais les unes succédant aux autres, le Moyen-Âge avec Nathalie Goroshoff, la période moderne avec vous, Dominique Julien, et donc la période contemporaine avec vous, Guillaume Tronchet, est-ce qu'on peut dire effectivement qu'il y a un nouveau saut qualitatif de travail? Dominique Julia, vous qui avez entamé il y a déjà pas mal de temps les questions sur cette internationalisation, mobilité des étudiants dans l'Europe moderne, qui se met en place aujourd'hui, c'est-à-dire que les travaux que vous avez menés avec d'autres sont poursuivis par d'autres aujourd'hui et qu'il y a des nouvelles approches? Oui, très certainement. Le développement d'études de correspondance intellectuelle montre très bien que les étudiants sont véritablement les colporteurs des idées nouvelles à travers les livres, les manuscrits qui s'échangent, les étudiants étant recommandés par leurs professeurs, soit à leurs collègues de Leyde, soit à leurs collègues de Paris. Et donc, il y a tout un apprentissage intellectuel qui se fait chez ces jeunes gens, un apprentissage du monde, c'est-à-dire par exemple les étudiants hollandais qui sont à Paris, qui descendent ensuite à Orléans ou à Angers, sont des étudiants qui sont liés à la fois à l'ambassade de Hollande et aux affaires internationales, ils sont liés au temple de Charenton qui est le lieu de la communauté des élites huguenotes et ils participent de l'activité intellectuelle des humanistes parisiens. Donc il y a tout un développement d'un apprentissage intellectuel qui ne sera jamais perdu, et je dirais l'effervescence intellectuelle dont parlait Guillaume Tronchet à l'instant se retrouve dans les itinéraires des étudiants hollandais vers la France au XVIIe siècle. Oui, et cela correspond aussi au développement des études sur les transferts culturels, par exemple, aujourd'hui, Guillaume Tronchet. C'est vrai que les études sur l'histoire de l'université, comme dans d'autres secteurs, bénéficient à la fois des travaux qui ont été menés dans le cadre des étudiants étrangers au début des fins des années 90, 2000 autour des questions de migration, d'immigration, de nationalisation, la question de la construction de l'étranger comme nouvelle figure dans vous un cadre national. Avec Dominique Arquevignon qui fait partie de ceux qui ont travaillé sur les réfugiés, les apatrides, entre autres. Exactement. Et autre tournant, effectivement, c'est l'histoire transnationale et l'histoire globale qui oblige à prêter attention aux circulations, aux transferts culturels. Et la troisième chose, c'est aussi l'émergence parfois de nouvelles sources. C'est vrai que la chance qu'ont les historiens contemporanistes par rapport aux médiévistes, aux modernistes, c'est de pouvoir faire appel à l'histoire orale. Et c'est vrai que l'idée qu'on a dans le cadre du projet sur la Cité internationale, et donc je me profite même de cette antenne pour lancer l'appel qui sera lancé de façon plus concrète dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est de faire vraiment un appel aux étudiants anciens étudiants étrangers en France, et notamment anciens résidents de la Cité internationale universitaire de Paris, comme un appel à témoignages sur leur vécu, sur leurs études en France, et puis appel à archives, appel à documents qui pourraient avoir en stock et qui seraient intéressants. Où s'adresse-t-il pour ça ? À mon adresse mail sur ma page de mon laboratoire, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. On le mettra sur notre page. Sur la page de France Culture. Voilà. Et pour la période médiévale, Nathalie Goroshoff, peut-être la problématique du voyage, de la pérégrination qui se développe, donc voyage des idées, mais circulation des hommes aussi. Il y a beaucoup de travail à faire, en fait, pour le Moyen-Âge, parce que finalement, les Anglais ont bien travaillé. On a des très beaux répertoires de maîtres et d'étudiants côté anglais pour Oxford et Cambridge. Mais pour le reste de l'Europe, on n'a pas vraiment de répertoire, pas d'études complètes. On a que des éclairages partiels sur Paris à certaines époques, les universités du Midi avec Jacques Verger plutôt sur la fin du Moyen-Âge. et quelques collèges ont été étudiés, et on a quand même beaucoup, beaucoup encore de zones, de pans d'ombre, de zones obscures. Donc il y a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup de manuscrits, il y a les œuvres, il y a des correspondances, il y a les archives ecclésiastiques. Donc il y a de la place vraiment pour de nombreux travaux. Effectivement, aussi sur les transferts culturels et les influences des maîtres qui circulent, des étudiants qui circulent. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter justement l'état des recherches sur ce domaine qui est l'international universitaire, pourrait-on dire. On aura grand intérêt à aller lire vos ouvrages aux uns et aux autres en y ajoutant la revue Hérodote dont le numéro du premier trimestre 2018, numéro 168, est consacré à la géopolitique des universités. À la fin de cette semaine, il y a les journées de la fête de l'humanité. On y trouvera sûrement beaucoup d'anciens militants ou de militants actuels de l'association ATTAC. C'est le thème du documentaire que vous pourrez écouter sur France Culture dans la Fabrique de l'Histoire dès demain autour du numéro 525 du Monde Diplomatique qui voit naître l'association ATTAC, une association qui se veut d'éducation populaire, celle-ci. On arrive rapidement à avoir une structure qui va avoir 20, 25 ou 30 000 adhérents. C'est énorme. Des ressources. Alors, pas gigantesque, c'est pas Amnesty International, c'est pas etc. Mais ATTAC va faire tout ce que ces structures n'ont jamais réussi à faire. À mobiliser, à convoquer tous les autres autour d'une table pour mettre en place les jalons d'un mouvement international. Basé sur l'idée, un autre monde est possible, rejet de la mondialisation néolibérale. Et ATTAC va réussir ce tour de force-là, sur sa légitimité. À l'époque, période d'or, parce que ATTAC illumine, j'ai envie de dire, le mot est un peu fort, vous allez me dire, mais non, en fait, c'est vrai. ATTAC illumine un peu le champ médiatique, le champ des observateurs, tous les gens qui s'intéressent aux évolutions sociales et politiques s'intéressent à ATTAC. On croule à l'époque tous les jours sur les demandes d'interview, les gens qui veulent venir faire des documentaires, enfin, c'est un truc de fou, c'est même disproportionné, très franchement. Hein. On a l'impression qu'ATTAC devenait le 193e gouvernement de la planète. Hein. C'était disproportionné. D'autre part, il y a l'idée du nom qui est très importante, et je crois que ça a joué dans le succès, le nom ATTAC. C'est-à-dire, non pas résister, mais attaquer. Non pas défendre, mais passer à l'offensive. C'est pour ça qu'au départ, j'ai pensé à ce mot ATTAC, qui s'est ensuite décliné des pyramides. Moi, je l'ai décliné dans ma proposition comme association pour une taxe Tobin d'aide aux citoyens. Et c'est autour de ça que se sont agglutinés beaucoup de volonté, beaucoup de résistance, aussi bien d'ailleurs en France, dans des branches très différentes de l'action économique et sociale, que dans des pays étrangers. Voilà, vous pourrez entendre la suite de ce documentaire signé Romain Masson et Séverine Cassard dans la Fabrique de l'Histoire demain, donc autour de la naissance du mouvement ATTAC, de l'association ATTAC et du numéro 525 du Monde Diplomatique qui voit naître cette association internationale, internationaliste même, autour justement de la question de l'éducation populaire mais aussi de la meilleure distribution des richesses. C'est dans la Fabrique de l'Histoire demain pour conclure notre série sur l'internationalisme, une série donc aujourd'hui qui a été préparé par Aurélie Marcet, Céline Leclerc, Julien Calvas était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Bien entendu, vous pouvez télécharger cette émission en allant sur le site internet de France Culture. Vous pouvez réagir à cette émission en discutant avec nous sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire, sur le groupe Facebook et également nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC. À demain.